Que ce soit pour le démarrage ou l'acquisition d'une entreprise ou le développement de celle-ci, la SADC Maria Chapdelaine peut vous aider à réaliser vos projets. Notre équipe est là pour valider une occasion d'affaires, faire un montage financier, rechercher du financement et même participer au financement dans certains cas. Contactez-nous au 418-276-0405 ou le sadcmaria.qc.ca. La SADC Maria Chapdelaine est fière de rappeler l'importance de la forêt pour notre économie dans le cadre du mois de l'arbre et de la forêt. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. Dolbo Auto a décidé de souligner le mois de l'arbre et de la forêt en vous proposant le Silverado 1500 édition 4x4 à seulement $175 aux deux semaines à 1,5% de location pendant 48 mois ou obtenez $11,000 sur certains camions. Dolbo Auto, 1770 Boulevard Wahlberg, au téléphone 418-276-0580. On va parler de baseball avec notre ami Bruno Boudreau. Salut Bruno! Salut Dan, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Bruno, une nouvelle qui vient de tomber, un petit peu surprenante, les Red Sox de Boston qui viennent de libérer Andy Ramirez. Oui. Écoute, quand même un gros contrat restant pour Andy Ramirez, puis un début de saison qui avait été bon des premières semaines. Depuis ça, là, ça a ralenti, puis c'est pas... on en parlait avant d'entraînement, mais c'est pas surprenant pour moi là, de fait que Andy Ramirez, là, ça se termine du côté des Red Sox. Ça fait quand même, ça, c'est quelque chose qui s'est discuté dans les dernières années, puis on sentait que son temps était compté, puis il y a beaucoup de jeunes, là, jeunes bons bâtons du côté des Red Sox, fait qu'il faut qu'on commence à faire de la place en libérant des vétérans. Là, il a fallu le libérer parce que on a réactivé Dustin Pedroia. Ouais. C'est un peu la même chose qu'on a vu cette semaine avec, on avait parlé de José Bautista qui avait été signé par les Braves d'Atlanta, puis dès qu'on a dû ramener un joueur qui avait été sur la liste des blessés, un de leurs jeunes un joueur qui était de retour, ben on a libéré Bautista qui s'est ramassé une place avec les Mets parce qu'il y a eu un blessé. Et ça pourrait, dans mon esprit, Ramirez, finir un peu de la même façon. C'est-à-dire qu'il y a une équipe en quelque part qui va chercher un gars qui peut jouer au premier but puis qui peut frapper et qui vont aller le chercher pour venir compléter là et remplacer un blessé, un peu comme on a vu avec Bautista. Je pense que ça va être un peu la même chose qui va suivre pour Ramirez. Je trouve que Ramirez, il a un coup de bâton. Il joue au premier but, mais c'est premier but puis des frappeurs désignés. Là, il est là normalement, son coup de bâton. Je regarde sa fiche, 254, 6 circuits, 29 points produits. Donc, on est loin là, du standard qui est au cours des dernières années qui nous avait habitués. Là. Oui, exactement. OK. Donc, on va parler des Blue Jays maintenant. Les Blue Jays, c'est très difficile. La rotation des lanceurs partant, très, très moyen. L'attaque, très, très moyen. Les releveurs, avec la suspension à Roberto Osuna, il y a des releveurs qui sont pas dans la bonne chaise. Ty Clippard a quand même a perdu 2-3 avances. Ça va pas bien. Puis là, il y a le cas Vladimir Guerrero aussi qui, je pense, qu'il pourrait redonner un petit peu d'étincelle à cette organisation-là, à cette équipe-là, parce que, écoute, il en aurait besoin. Oui, puis, tu sais, si on regarde, tu as parlé des lanceurs, puis je pense que c'est le plus gros problème. Hein, en début de saison, on se disait si les Blue Jays veulent se maintenir, puis d'ailleurs, ça allait quand même bien, malgré, à un moment donné, même si les lanceurs ne performaient pas, l'équipe se maintenait un petit peu en haut de 500. Mais la dernière séquence à domicile a été vraiment difficile. Il y a eu plusieurs matchs, entre autres la série de 4 matchs contre les A's d'Oakland où les Blue Jays ont vraiment joué du mauvais baseball, plusieurs erreurs, ils ont laissé de passer des avances. Puis ce que j'aime moins des dernières défaites, parce que c'est une saison de baseball, on le dit souvent, Dan, on se parle et on dit c'est long, c'est un marathon, faut être patient et tout ça. Mais quand les équipes qui ont de la difficulté généralement, surtout quand leurs lanceurs ont des problèmes, c'est des équipes qui ont des grosses défaites. Tu sais, quand tu perds 9 à 1, 8 à 0, 7 à 2, c'est des matchs que tu n'as vraiment eu aucune chance de gagner. Puis actuellement, il y a beaucoup trop de ces matchs-là dans le cas des Blue Jays quand je regarde les dernières semaines d'activité. Puis c'est ça qui fait la différence parce que en début de saison, quand les matchs étaient un peu plus serrés, bien, l'attaque trouvait toujours le moyen de faire le circuit en fin de match. La relève tenait le coup. Mais depuis qu'Osuna est parti, tu l'as mentionné, un gars comme Tyler Clipper, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait en 9e, honnêtement. Oui, ben, il avait l'expérience de sauver des matchs, mais... Mais c'est ça, mais l'expérience, ça donne quoi? T'sais, auparavant, avec Washington, on l'a laissé aller parce qu'il avait l'expérience de sauver des matchs, mais on n'avait pas confiance en lui dans les moments importants. Après ça, il s'est promené un peu partout. Puis je comprends qu'on lui donne la balle, parce que, comme tu as dit, tout le monde n'est pas dans la bonne chaise. Est-ce qu'on devrait essayer d'autres joueurs? Je ne sais pas. Mais ce que ça montre aussi, c'est que dans le cas de Roberto Osuna, les Blue Jays en savent probablement plus qu'ils en disent. C'est-à-dire que on se disait ça va peut-être faire tenir le coup pendant 2-3 semaines s'il est absent et tout ça. Mais là, si on décide d'essayer Clipper et de le conserver là en 9e parce qu'on veut vraiment restructurer complètement puis placer du monde dans des nouvelles chaises pour une plus longue période, c'est parce qu'on sait qu'Osuna ne sera pas de retour. Sinon, je pense qu'on jonglerait pas mal plus. T'sais, je regarde un peu comment John Gibbons agit, puis on peut le critiquer quand on regarde d'ailleurs la défaite il y a 2 jours contre les Angels où on l'a laissé là, Clipper, après 3 buts sur balle. Ben lui, Gibbons, il se dit sûrement, moi, je vais aller jusqu'au bout de l'expérimentation avec Clipper parce que après ça, il va falloir que je mette quelqu'un d'autre, c'est pas Osuna qui va revenir. Ouais. Fait que tu sais, il y a ces éléments-là qu'il faut aussi considérer quand on regarde ça, mais tout, peu importe ce qui se passe avec l'enclos de relève, t'as touché le point dès le début, c'est les lanceurs partants. T'sais, si tu regardes depuis le début de l'année, ils sont les lanceurs partants, 12 victoires, 23 défaites, une moyenne de points mérités en haut de 5. Écoute, il y a 4 lanceurs partants qui ne répondent pas aux attentes cette année. Il y a Stroman, que je compte même pas là-dedans, qui, lui, est sur la liste des blessés. Non. Puis, c'est difficile de voir comment... Tu sais, tu peux replacer un lanceur ou deux partant, tu sais, avec des changements mécaniques ou, je sais pas, tu sais, avoir d'amélioration un peu sur leur façon de lancer ou le mental ou peu importe, ou peut-être même les reposer, mais de penser que tes 4 lanceurs partant principaux vont se replacer d'un coup sec, puis ça va revenir à bien aller. Peut-être un ou deux, mais les 4, ça serait surprenant. Puis en même temps de ça, ben quand l'enclos commence à l'arracher, puis ton offensive est pas toujours là à tous les jours. Non, ça fait pitié. Ben ça fait des séquences de 2 victoires, 8 défaites en 10 matchs comme les Blue Jays sont là actuellement, puis ils commencent à glisser dangereusement déjà loin de la course aux séries. Puis Sportsnet, on montrait Sportsnet, c'est depuis le 20 avril que l'équipe, je pense, c'est 10-23 ou quelque chose, on a attendu autour de 10-23 depuis le 20 avril. On montrait ça l'autre jour à Sportsnet. Puis ils ont perdu 2-3 fois depuis ce temps-là. Non, ça va pas bien. Puis là, il y a le cas Vladimir Guerrero Jr. Je sais pas ce que t'en penses, Bruno. Moi, je pense que j'ai ma théorie là-dessus, pourquoi qu'on le rappelle pas. C'est une question d'autonomie. Je pense que si on le rappellerait tout de suite, on perdrait, je pense, un an. On pourrait perdre 1 an. C'est ma théorie, là. Parce que ce gars-là a plus d'affaires du tout à New Hampshire. Écoute, moi, j'ai jamais vu ça. Un gars de 19 ans frappé 425. Il y a du monde qui m'ont dit, ouais, c'est les médias sociaux. Oui, mais il est pas tout seul à frapper 425. Oui, c'est vrai, mais le gars 24-25 ans, c'est pas pareil du tout. Là. Tu peux pas comparer deux gars. Un gars de 25 ans qui est au 2A, puis le gars qui a 19 ans. Donc, écoute, j'ai jamais vu ça. Au moins, si on l'enverrait à Buffalo, il y a des lanceurs plus expérimentés. Mais je sais pas ce que tu penses de ma théorie, que c'est une question d'autonomie, d'après moi. Ben, en fait, c'est pas mal aussi ce que t'es avancé aussi par plusieurs analystes là, dans la dernière semaine, entre autres Ken Rosenthal qui en parlait la semaine passée, puis plusieurs analystes du côté de Toronto. Pis ça fait du sens aussi, hein, tu sais, dans le fond, une saison dans laquelle tu sais, tu veux pas non plus l'amener dans une situation négative, une situation où, par exemple, tu le rappelles, puis là, tout le monde le voit comme le sauveur de la saison actuelle. Écoute, comme tu as dit, le gars, il a 19 ans, il fait des choses vraiment impressionnante, là, honnêtement, à son âge, puis tu as raison là-dessus, c'est vraiment à l'âge qui fait la différence. Oui, comme tu dis, il y en a des gars qui frappent avec des moyennes autant élevées dans les filiales, mais jamais comme ça, mais c'est aussi la façon avec laquelle il a démontré des choses, même dans le camp d'entraînement, face à des joueurs puis des lanceurs de niveau du baseball majeur, il a très, très bien paru. Donc, moi, je vois pas, c'est pas vraiment la problématique en ce moment, je pense que c'est pas tant qu'il est capable ou non. Puis tu sais, quand tu regardes un peu aussi autour, hein, tu regardes les Braves, tu regardes des équipes plus jeunes comme les Phillies, de plus en plus, on voit ce mouvement-là dans d'autres sports, on le voit au hockey depuis quelques années, hein, tu sais, les gars sont repêchés puis viennent beaucoup plus vite de la Ligue nationale qu'ils venaient auparavant, souvent parce qu'ils coûtent moins cher avec le plafond, mais aussi parce que les gars sont plus prêts plus rapidement, puis ils amènent des qualités que les joueurs plus âgés ont peut-être moins, tu sais, le jeu est plus axé sur la vitesse, fait que les jeunes, des fois, ils ont plus de vitesse. Puis dans le baseball, ben cette semaine, je disais Buster Olney qui a amené un point là-dessus, puis il disait, tu sais, les frappeurs de puissance qui commencent à ralentir la vitesse des mains, ben de plus en plus d'équipes, on en parlait il y a 2 semaines, ben il y a de plus en plus d'équipes qui, eux, vont laisser aller les lanceurs partant juste 2 fois, tu sais, un 4 ou un 5 manches, ouais. Fait que 2 tours au bâton, puis après ça, qu'est-ce qu'on amène? Ben c'est des releveurs qui lancent 96, 97, 98, ben ça te prend des joueurs qui sont plus rapides, qui ont des mains plus vite, qui sont plus qui ont plus de facilité à réagir à des lancers rapides. Puis souvent, les jeunes frappeurs, ils ont plus de misère avec les changements de vitesse ou les balles à effet. Mais la balle rapide à 97-98, ils sont capables de la frapper. Puis c'est ce qu'ils voient aussi en montant dans le 2A puis dans le 3A. Fait que ces gars-là sont rappelés plus tôt. Fait que du côté de Vladimir, est-ce qu'il pourrait jouer avec les Blue Jays cet été à 19 ans? Moi, je pense que oui. La question après, c'est de voir, est-ce que tu l'amènes dans une situation d'une saison désespérée comme ça pour ramener de l'énergie ou tout ça, où tu te dis, je le fais progresser, j'y fais jouer dans le 3A. Peut-être que je lui donnerai des départs en septembre pour dire au monde, regardez ce qui s'en vient l'année prochaine. Et puis là, l'an prochain, il fait le camp, il fait l'équipe à 20 ans, puis on l'amène pour de bon. Fait que tu vas en même temps aller chercher ton année de plus pour l'autonomie. Et en plus de ça, ben, tu vas l'amener dans une situation où il n'est pas vu comme le sauveur de la saison. Tu vas avoir eu le temps de régler le cas de Josh Donaldson aussi. Peut-être ouvrir la place au troisième but. Fait que toutes ces questions-là que les Blue Jays doivent regarder. Mais sur la base des performances, puis je sais que tu suis beaucoup son cheminement cette année, c'est sûr que présentement, il est vraiment trop fort pour le duo. Il est bien trop fort. Moi, ce que j'aimerais voir, c'est... D'abord, défensivement, on est loin de Mike Schmidt. Là. On est loin d'un gant doré. J'aimerais ça le voir au champ gauche. Ouais, mais on veut lui donner, c'est ça, on veut lui donner la chance peut-être de jouer aussi à d'autres positions. Ouais. Est-ce que tu veux essayer ça? T'sais, mettons qu'on se met dans la peau des Blue Jays, tu te dis, est-ce que je vais essayer ça au niveau des majeurs? T'sais, c'est le genre de choses qu'il faut que tu essaies d'un mineur. Ah ouais, puis en même temps, tu veux lui donner une opposition pour qu'au bâton, il puisse. Puis en même temps, plus il reste longtemps dans le 2A, plus les autres équipes peuvent faire des ajustements puis tenter des choses, puis plus tu vas voir comment il va réagir aussi. Fait il y a tous ces facteurs-là que les Blue Jays doivent peser les pour et contre, mais ça reste que tu l'as nommé, le facteur numéro un au sommet de la liste, c'est vraiment l'autonomie. Ouais, c'est vraiment l'autonomie. Donc j'ai hâte de voir, écoute, quand je vois Ross Haskins, je peux pas m'empêcher de penser à Pierre Gauthier. Écoute, on est loin d'Alexandropoulos, le dynamisme, puis le... En tout cas. Bruno, si tu veux, vraiment, on va faire une pause, puis je veux te parler d'une situation dans le baseball mineur qui se passe. Donc, vous êtes à l'écoute de l'entrevue avec Bruno Goudreau sur les ondes de DanRadioSport.com. Dolbo Auto a décidé de souligner le mois de l'arbre et de la forêt en vous proposant le Silverado 1500 édition 4x4 à seulement $175 aux deux semaines, à 1,5% de location pendant 48 mois, ou obtenez $11,000 sur certains camions. Dolbo Auto, 1770 Boulevard Wahlberg, au téléphone 418-276-0580. Que ce soit pour le démarrage ou l'acquisition d'une entreprise ou le développement de celle-ci, la SADC Maria Chapdelaine peut vous aider à réaliser vos projets. Notre équipe est là pour valider une occasion d'affaires, faire un montage financier, rechercher du financement et même participer au financement dans certains cas. Contactez-nous au 418-276-0405 ou le sadcmaria.qc.ca. La SADC Maria Chapdelaine est fière de rappeler l'importance de la forêt pour notre économie. Dans le cadre du mois de l'arbre et de la forêt. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. On est de retour à DanRadioSport.com. Bruno, j'ai enregistré une entrevue que je vais passer la semaine prochaine. Je l'ai enregistré cette semaine avec Abraham Taureau. Qui est Abraham Taureau? C'est un joueur de troisième but québécois qui est à filiale A en Caroline. C'est le même genre de filiale que Dunedin, les Blue Jays de Dunedin. Il va très bien, 258 de moyenne. C'est un bon producteur de points. Mais c'est pas là que je veux t'emmener. Je veux t'emmener sur les salaires. Et Francis Lafrenière également a fait un reportage dans Presse Plus également. Les gars dans les ligues mineures puis ça, gagnent $1,200 par mois. Ils sont 3 à 4 par appartement pour limiter les coûts. Comment tu trouves ça? Moi, je trouve que l'association des joueurs devrait s'en mêler. Puis, écoute, j'ai posé la question à Abraham, puis il n'a pas fermé la porte. Hein, ça voulait dire, ouais, c'est peut-être raison. Ouais, puis tu sais, on en parlait un peu tantôt avant d'entrer en nombre. Tu sais, c'est sûr qu'il y a comme toujours deux côtés à ces situations-là, mais c'est certain qu'à la base, si tu regardes tous les sports, maintenant qu'on regarde l'ensemble de l'œuvre, c'est certain que le baseball est le sport qui supporte, et de loin, là, le plus gros réseau de filières. Ouais. C'est chaque équipe a vraiment supporté un immense bassin de joueurs. 5 à 6 filiales. On a les bonnies de signature quand on a des signatures à l'international. On a des joueurs qui évoluent dans des ligues ailleurs, les ligues diverses. Il y a comme une méga structure qui entoure une équipe. Fait que dans le point de départ, c'est sûr et certain que cette méga structure-là, ben, elle coûte des sous parce que à chaque niveau, tu as des entraîneurs, puis encore là, les entraîneurs aussi, là, on parle des joueurs, mais les entraîneurs, ils roulent pas sur l'or non plus. Donc, tu as des instructeurs, tu as des éclaireurs, tu as vraiment un immense organigramme en dessous d'une équipe de baseball, ce qui fait que, en termes de, si je compare par exemple au football, si tu as deux, mettons que les deux, puis déjà qu'au football, il y a plus de revenus dans la NFL, mais si tu dis, OK, j'ai des revenus quand même importants dans les deux, mais c'est certain qu'au niveau du baseball, ta répartition de revenus, elle va être beaucoup plus grande parce que tu as beaucoup plus de structures à supporter. Et l'autre chose, après, c'est l'association des joueurs derrière ça, bien souvent, c'est fait pour protéger le haut de cette pyramide-là. Ouais. C'est-à-dire que les gars qui vont arriver, puis même on prend des joueurs, des fois qui arrivent, puis tu te dis ça n'a pas de bon sens que ces joueurs-là gagnent le minimum, exemple, salarial. Tu prends un gars comme même Osé Bautista, lui, il a signé cette année pour le minimum, là, je pense que c'est 545 000. Oui, mais 545 000, tu es capable de te payer un appartement. Non, ça, je comprends. Mais ce que je veux dire, c'est que même au niveau des majeurs, un gars comme ça, c'est déjà, c'est en train de changer aussi. Où auparavant, c'est des gars qui étaient des vétérans comme ça, avaient les gros salaires, puis c'est les jeunes qui l'avaient pas. Alors que là, des fois, on voit de plus en plus des équipes qui arrivent et qui offrent à des joueurs de 22-23 ans des contrats de 6-7 ans, 40-50 millions tout de suite up front. Puis ces joueurs-là, ben, pour la sécurité, vont aller les chercher, puis ça fait en sorte que ça met une pression à la baisse. Fait que déjà au niveau du baseball majeur, puis en plus que les relations avec les propriétaires sont pas super, la pression est vraiment grande du côté de l'association des joueurs pour aller chercher une plus grosse part du gâteau. C'est certain que quand tu arrives au niveau des mineurs, ça devient difficile pour eux autres d'aller mener un combat là-dedans. Est-ce que ça fait du sens que ces jeunes joueurs-là gagnent aussi peu? Moi, je pense pas. Mais en même temps, qu'est-ce que l'association des joueurs peut réellement faire pour les aider? T'sais, ils seront-ils capables vraiment de faire passer, de doubler ou de tripler ce type de salaire-là au bassin de joueurs qui est là, puis au revenu quand même minimum, parce que on s'entend que les équipes là, qui sont là dans les filiales aussi, ça, les billets coûtent pas cher, puis il n'y a pas énormément de monde non plus dans les stades. Fait que t'as pas beaucoup de revenus là, dans les mineurs. Non, je sais, t'as pas la publicité et autres. Fait que, mais je comprends que le salaire, il est quand même, quand tu y penses comme ça, puis tu te dis, tu compares à d'autres sports, par exemple, les joueurs qui jouent dans la Ligue américaine au hockey, tout ça, ben, ils sont capables de faire vivre leur famille à 1 200 $ par mois aux États-Unis. Tu fais pas vivre ta famille. Non, tu fais même pas vivre ta famille. Puis là-dessus, je pense qu'il faut qu'ils donnent des pourboires. Il y a toutes sortes d'affaires qui sont pas comptées. Mais en plus, il y a un parent d'un joueur qui a déjà joué dans les filiales des Red Sox qui m'a écrit en privé sur les médias sociaux, puis qui me disait que souvent, ce qui arrive par la suite, là, c'est qu'il y a un programme d'entraînement physique l'hiver, puis ils peuvent même pas travailler. Puis ce programme d'entraînement physique-là est tellement long, tellement dur à travailler, qu'ils peuvent même pas se trouver une job à temps plein l'hiver pour compenser. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, ce que ça donne au final, ça expose cette situation-là qui est la réalité, puis on l'a vu dans de nombreux films aussi, hein, qui montraient la vie dans le baseball mineur. Mais ce que ça démontre aussi, c'est à quel point souvent on en parle. C'est difficile d'atteindre le baseball majeur. T'sais, que tu prends des joueurs québécois là, qui partent d'ici, là, d'arriver puis de se rendre jusque-là. Il y a beaucoup d'embûches. Wow. Déjà qu'il y a beaucoup de joueurs puis il y a peu d'élus. Mais en plus, tout le long du parcours, c'est difficile. Puis il y a beaucoup de joueurs qui éventuellement vont lâcher parce qu'à un moment donné, ben ils vont dire ben on peut pas durer autant longtemps. On regarde, il y a un joueur cette semaine des Rangers du Texas qui effectuait son premier départ, ou je pense qu'il était en relève là, après 14 ans dans le baseball affilié pour essayer d'arriver. Tu as une histoire une fois de temps en temps comme ça, mais c'est vraiment l'exception. C'est rare les joueurs qui... Puis il n'y a pas beaucoup d'autres options. T'sais, tu regardes, les joueurs de hockey vont peut-être se dire « Bon, ben je vais aller jouer en Europe. » On le voit beaucoup, les joueurs s'en vont en Europe, s'en vont dans la KHL. Des fois, vont venir avec une opportunité plus tard. Des fois, ils ne reviendront pas, puis ils vont vivre là-bas, puis ils vont être capables de vivre du sport. Mais au baseball, c'est pas mal là. Alors, tu peux pas vraiment t'en aller ailleurs. Il y en a qui vont au Japon, quelques joueurs qu'on voit des fois partir au Japon. Mais c'est plutôt rare, là, les joueurs visent à atteindre les majeurs, puis par la suite, sinon, quand ça fonctionne pas, ben elles vont lâcher. C'est pas les Canam qui va faire les Canam, c'est à peu près le même prix, c'est 1 000 $ par mois, je pense, pour jouer. Bruno, très intéressant, on s'en reparle dans 2 semaines. Merci, Dan. Notre collaborateur, Bruno Boudreau.